Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, le tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammad al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Ghadan, awwal ayyam Ramadan li sanat 1430 Hijriya. Demain sera le premier jour du mois de Ramadan pour l'année 1430 de l'Hégire. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يبارك صيامنا وصيام جميع المسلمين. À cette occasion, on demande à Dieu le Très-Haut de bénir notre jeûne et le jeûne de tous les musulmans. غدا بداية شهر البركة. Demain sera le début du mois de la bénédiction. شهري الرحمة, le mois de la clémence. شهري المغفرة, le mois de l'absolution. شهري العتق من النار, le mois de la délivrance de l'enfer. شهري التوبة, le mois du repentir. شهري الجود, le mois de la générosité. شهري الجنة, le mois du paradis. من الليلة تفتح أبواب الجنة. À partir de cette nuit, toutes les portes du paradis seront ouvertes. وَمِنَ اللَّيْلَةِ تُغْلَقُ جَمِيعُ أَبْوَابِ النَّارِ. Et à partir de cette nuit, toutes les portes de l'enfer seront fermées pendant tout le mois. وَتُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. Et à partir de cette nuit, tous les démons et les satans seront enchaînés. شهر الإحسان سي لو موا دو لا بيانفيزونس شهر القرآن لو موا دو كوران شهر الأنوار لو موا دي لوميير شهر الملائكة لو موا دي زونج شهر العباد لو موا دو لادوراسيون شهر رمضان هو سيد الشهور لو موا دو رمضان اي لو ميتر دو تو لي موا. فهنيئا لك أخي أختي بهذا الشهر المبارك. Félicitations pour toi frère ou sœur pour ce mois béni. غدا ستنظر للطعام والمشروبات ولا تستطيع تناولها بالنهار. Demain tu vas voir, tu vas observer le repas, les boissons et tu seras incapable de les consommer pendant la journée. اليوم الأكل بالنهار حلال. Aujourd'hui pendant le jour manger ou boire est licite, halal. وغدا الأكل بالنهار سيصبح حراما. Et demain manger ou boire le jour deviendra illicite, haram, interdit. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. سيكون غدا الأكل حراما بالنهار. Demain, le manger ou boire deviendra interdit pendant le jour. لتفهم أنك في مملكة ملك عظيم. Afin que tu comprennes que tu vis dans un royaume d'un très grand roi. Allah, Ramadan, يذكرك لأنك نسيت. Ramadan va te rappeler dans le cas où tu as oublié. ولتفهم أن جميع المأكولات من خضر وفواكه ولحوم حيوانات ليست لك. Et afin que tu te rappelles, afin que tu comprennes que toutes sortes de nourriture parmi les fruits, les légumes, les viandes ne t'appartient pas, n'est pas une propriété à toi. هذه الأطعمة, ces repas, ملك للملك العظيم وحده. Toutes ces sortes de repas est une propriété unique pour lui, le grand roi. ملك لله, une propriété d'Allah. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité dans ce monde à part Allah. حتى تحس بالنعمة الإلهية التي كنت تتمتع بها طول السنة. Afin que tu ressentes la grâce divine dont tu jouissais pendant toute l'année. كنت تأكل يا أخي ويا أختي من طعام الملك كما تشاء طول السنة. Tu manges, frères ou sœurs, de la subsistance du roi pendant une année comme tu voulais. وكنت يا أخي ويا أختي تشرب من مشروبات الملك في مملكة الملك كما تشاء طول السنة. Et tu buvais, mon frère ou ma sœur, des boissons du roi dans son royaume pendant une année comme tu voulais. وربما كنت لا تشكر الملك على نعمه. Et peut-être tu remerciais même pas le roi pour ses bienfaits, pour ses grâces. وربما كنت لا تفكر أصلا في هذه النعم. Et peut-être tu pensais même pas pendant toute l'année à ses grâces et à ses bienfaits qui sont les légumes, les fruits et les viandes. غدا سيقول لك الملك لا تمس طول النهار مأكولاتي ومشروباتي التي خلقت. Demain le roi va te dire pendant toute la journée, tu ne touches pas à ma subsistance, tu touches pas à ma nourriture, à mes boissons que j'ai créées. لتتذكر ولتفهم, afin que tu te rappelles, afin que tu comprennes. حتى تفهم ألوهيته وعبوديتك, afin que tu comprennes sa divinité et ta servitude. لتتذكر قوته وضعفك, afin que tu te rappelles de sa puissance et de ta faiblesse. حتى تتذكر وتفهم غناه وفقرك, afin que tu te rappelles, afin que tu comprennes sa richesse et ta pauvreté. حتى لا تتفرعن, حتى لا تصير فرعونا فوق الأرض، حتى لا تتفرعن فوق الأرض بما أعطاك الله من رزق ومن قوة. afin que tu ne te tyrannises pas, que tu ne deviens pas un pharaon sur terre grâce à ce que Dieu t'a donné comme subsistance et comme puissance. فَلَا شَيْءَ لَكَ. Rien ne t'appartient sur cette terre. Tu ne possèdes rien. وَكُلُّ شَيْءٍ لِلَّهِ. Et toute chose dans ce monde appartient à lui, appartient à Allah. وَيُمْسِكُ الْمُسْلِمُونَ طُولَ النَّهَارِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ. Et demain, les musulmans vont s'abstenir par rapport au manger et aux boissons pendant toute la journée. طَاعَةً لِلْمَلِكِ. Comme obéissance au roi. طَاعَةً لِلَّهِ. Comme obéissance à Dieu. فَيَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِكِ. Allah, مِنْ كَرَمِهِ فِي الْمَسَاءِ بِمَائِدَةٍ مِنْ رِزْقِهِ. Et par la suite, Dieu, par sa générosité, va leur offrir pendant le soir une table bien garnie de sa subsistance. مِنْ رِزْقِهِ. وَيَقُولُ لَهُمْ قولوا الآن يا عبادي من رزقي باسمي أنا. Et il va leur dire le soir aux mes serviteurs, mangez et buvez maintenant de ma subsistance au nom de Dieu. فيقول المسلم. Et le musulman va dire بسم الله. Au nom de Dieu. اللهم لك صمت. Ô mon Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné. وعلى رزقك أفطرت. Et grâce à ta subsistance, j'ai rompu mon jeûne. إلى آخره, etc. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. أخي, أختي, frère, sœur, صيامك غدا سيعلمك. Ton jeûne de demain va t'apprendre. سيجعلك تفهم درس الطاعة المطلقة لله. Il va te faire comprendre l'obéissance absolue à Dieu. كيف يأمرك الله. Comment Dieu t'ordonne. يقول لك. Il te dit اترك الحلال في نهار رمضان. Il te dit abandonne le licite, le halal, pendant le jour du mois de Ramadan. فتقول نعم يا رب. Et tu réponds oui mon Seigneur. فتطيع وتترك الحلال. Tu obéis et tu abandonnes le halal. ثم يقول لك. Et par la suite ton Seigneur te dit اترك الحرام. Abandonne l'interdit. فتقول لا يا رب. Et tu réponds non mon Seigneur. وتعصي الله. Et tu désobéis à Dieu. أخي أختي, frère, sœur. هل أنت مستعد لصيام رمضان. Es-tu prêt à observer le jeûne du mois de Ramadan. كيف ستصوم. Comment vas-tu jeûner demain. صياما يرضي الله. Un jeûne qui satisfait Dieu. أم صياما لا يرضي الله بل يرضي نفسك. Ou bien vas-tu jeûner un jeûne qui ne plaît pas, qui ne satisfait pas Dieu. Plutôt il va satisfaire ta propre personne. أذكرك ببعض الأمور. Je te rappelle mon frère ou ma sœur quelques points. النقطة الأولى. Le premier point. غدا سيصوم بطنك عن الطعام والشراب. Demain ton ventre va observer le jeûne contre le repas et les boissons. ولكن هل ستصوم عينك. Mais en même temps, est-ce que tes yeux vont observer le jeûne pendant tout le mois. هل ستصوم أذنك. Est-ce que tes oreilles vont observer le jeûne pendant tout le mois. Pas de musique, pas de. هل سيصوم لسانك. Est-ce que ta langue va observer le jeûne pour ne pas raconter des mensonges ou autres ou dire des interdits. هل سيصوم قلبك فلا يفكر إلا في الله. Est-ce que ton cœur va observer le jeûne pour ne pas penser qu'à Dieu. هل سيصوم جسمك. Est-ce que ton corps dans sa totalité va observer le jeûne. يداك ورجلاك إلى آخره. Ça veut dire tes mains et tes pieds, etc. أخي أختي, frère, sœur, حاول أن تصوم بكليتك. حاول أن يصوم كلك. Essaye mon frère ou ma sœur d'observer le jeûne par ta totalité. ثانيا le deuxième point, إذا أمرك الله بترك الطعام الحلال في النهار, dans le cas où Dieu t'a ordonné d'abandonner le repas halal pendant toute la journée dans le mois de Ramadan, وأباحه لك في الليل حتى لا تموت, et dans le cas où Dieu t'a rendu halal ce repas halal pendant la nuit de Ramadan afin que tu ne meures pas, فما عدا الأكل, en dehors mon frère ou ma soeur du manger, حاول أن تترك أنواع الحلال كلها. Essaye mon frère ou ma soeur d'abandonner toutes sortes de halal, je dis pas haram, toutes sortes de halal. طيلت أيام وليالي رمضان, pendant tous les jours et toutes les nuits du mois de Ramadan. 7 sur 7, 24 sur 24, 24 sur 24, شهرًا كاملًا, un mois entier. As-sahaba رضوان الله عليهم, les compagnons que Dieu soit satisfait d'eux, كانوا يتركون الحلال بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام, les compagnons renonçaient à quelques parties du halal par crainte de tomber dans le haram. النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui, قبل الرسالة, avant de recevoir le message, كان يعيش وحيدا في الغار في شهر رمضان كله. Il vivait, prière et salut sur lui, seul dans la grotte pendant toutes les nuits, tous les jours du mois de Ramadan. يَتْرُكُ وَرَاءَهُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا. Il laissait derrière lui la vie entière avec toute sa contenance, لِيَبْقَى مَعَ اللَّهِ, afin de rester pendant un mois avec Dieu. فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْوَحِي فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ, et Dieu l'a honoré par la révélation pendant ce mois. وَبَعْدَ الرِّسَالَةِ, et après le message, كَانَ يَصُومُ النَّهَارِ, il jeûnait le jour pendant le mois de Ramadan. وَيَقُومُ اللَّيْلِ, et il veillait la nuit par la prière. وَيُرَاجِعُ الْقُرْآنَ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, et il révisait pendant tout le mois le Coran avec l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. فَرَمَضَان شَهْرُ الْقُرْآنِ, Ramadan est le mois du Coran par excellence, كَمَا قَالَ اللَّهُ, comme Dieu l'a dit. أخي أختي, frère, sœur, اترك كل شيء في هذا الشهر, abandonne toute chose pendant ce mois, من أجل الله, pour Dieu, uniquement pour Dieu, إلا ذكر الله, à part l'évocation de Dieu, وإلا ذكر الله والقرآن والصلاة, à part l'évocation de Dieu, le Coran et la prière. اجعل هذا الشهر لله, fais de ce mois une chose unique pour Dieu, كأنه آخر رمضان في حياتك, comme si c'était le dernier mois de Ramadan dans ta vie. اترك يا أخي ويا أختي كل البرامج التلفزية, abandonne mon frère ou ma soeur, renonce à tous les programmes télévisés pendant ce mois. اترك الضحك, abandonne le rire, والكوميديا والأفلام, abandonne les comédies et les films. اترك الموسيقى والألحان, abandonne les chansons et la musique. اترك الألعاب الإلكترونية وغيرها, abandonne les jeux électroniques et autres. Pour Dieu, لله, تفرغ لله في هذا الشهر, libère-toi pour Dieu pendant ce mois, comme le faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. عيش لله, pendant ce mois, vis pour Dieu. عيش مع الله, vis avec Dieu. عيش مع القرآن, كأنه أنزل عليك وحدك, vis avec le Coran, comme si c'était révélé à toi seul. ارتفع عن إنسانيتك, élève-toi pendant ce mois par rapport à ton humanité. حاول أن تصبح ملكا يمشي على الأرض, essaie pendant ce mois de devenir un ange qui marche sur terre. ثالثا, troisièmement, ارمي ذنوبك, jette tes péchés, من الليلة, à partir de cette nuit, توب إلى الله من كل الذنوب, repens-toi à Dieu de tous les péchés. احترم على الأقل هذا الشهر المبارك, je te demande au nom de Dieu de respecter au moins ce mois béni, abandonne les péchés. حتى يغفر الله ذنبك, afin que Dieu absolve tes péchés. وربما ساعدك بعد رمضان على ترك ذنوب, على ترك ذنوبك, et peut-être Dieu va t'aider après le Ramadan à abandonner définitivement ses péchés. إذا كنت تدخن أو تتحضر فاترك الدخان لله من هذه الليلة. Dans le cas où tu fumes, où tu te drogues, abandonne tout cela à partir de cette nuit, pendant tout le mois. Fais-le pour Dieu, s'il te plaît. إذا كنت لا تصلي في الوقت, dans le cas où tu n'accomplis pas la prière à l'heure, فحاول في هذا الشهر أن تصلي كل الصلوات لله في الوقت. Essaye, mon frère ou ma soeur, pendant ce mois, de faire les prières à l'heure pour Dieu. إذا كنت لا تحملين الحجاب, dans le cas où, ma soeur, tu ne portes pas le voile, فحمليه في هذا الشهر لله. Porte-le, ma soeur, pendant ce mois pour Dieu. إذا كنت تقومين بالمكياج للوجه خارج البيت, dans le cas où, ma soeur, tu fais le maquillage ou tu portes le maquillage sur ton visage à l'extérieur, وَهَذَا حَرَامٌ, et ceci est strictement interdit en islam, فَتْرُكِهِ لِلَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ, abandonne le maquillage pour Dieu pendant ce mois. فَجَمَالُ الْخَلَّاقِ أَحْسَنُ مِنْ جَمَالِ الْحَلَّاقِ, parce que la beauté du créateur est meilleure que celle du coiffeur. هذا هو جهادك في هذا الشهر. Tel est ton jihad, ton propre jihad pendant ce mois. وأسألك بالله ارمي ذنوبك من الليلة, et je te demande au nom de Dieu de jeter, frères ou sœurs, tes péchés à partir de cette nuit. رابعا, quatrièmement, أنت فقير, sans doute tu es un pauvre. وتريد الغنى, et tu cherches la richesse. شهر رمضان شهر الجود والإحسان, le mois du Ramadan est un mois de générosité et de bienfaisance. تصدق طيلة الشهر, donne l'aumône ou fais l'aumône pendant tout le mois, donne la sadaqa pendant tout le mois. وسيغنيك الله من فضله, et c'est Dieu qui va t'enrichir à la fin de sa générosité. فالحسنة بعشر, parce que la bonne action est comptabilisée par 10. وربما تصل إلى 100, et peut-être elle atteint 100. وربما 1000, et peut-être 1000. وربما أكثر, et peut-être plus. لا إله إلا الله, فلا تبخل على نفسك في هذا الشهر. Donc, frère ou sœur, ne sois pas avare envers ta propre personne pendant ce mois. خامسا وأخيرا, cinquièmement et dernièrement, عندك مشكلة, pas un problème. عندك حاجة, pas un besoin. تريد شيئا أو أشياء, tu veux avoir une chose ou plusieurs. عليك بالدعاء, tu dois faire des invocations. Prêle ta char pendant tout le mois. Ud'Allah, invoque Dieu. Layla Nahar, jour et nuit. Wa khususan ind al-iftar wa fil ashar, et surtout pendant la rupture du jeûne ou pendant les suhur. Bi khushu'in wa dumu', avec recueillement et des larmes. Qul lahu, dis-lui, ya Rabb, ô Seigneur, taraktu ta'ami min ajlik, j'ai abandonné mes repas pour toi. وأعطيت مالي من أجلك, et j'ai donné mon argent pour toi. وسهرت الليالي من أجلك, et j'ai veillé des nuits pour toi. يا رب, ô Seigneur, يا سيدي, ô Maître, يا مولاي, ô Tuteur, يا خالقي, ô mon Créateur. واطلب ما تريد, et demande ce que tu veux. فهو الغني القوي, c'est lui le tout puissant, c'est lui le très riche. فدعاؤك لن يرد, je t'annonce la bonne nouvelle. أبشر, دعاؤك لن يرد, tes prières, tes invocations ne seront pas refusées. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme l'a dit le prophète, prière et sage lui, دعاؤك مستجاب, tes invocations seront exaucées. باختصار, brièvement, أخي أختي, لا تحرم نفسك من أنوار رمضان, ne te prive pas pendant ce mois béni des lumières de ce mois. لا تترك الآخرين ينتهزون الفرصة وأنت تنظر, ne laisse pas les autres profiter de cette occasion et toi en train de faire le spectateur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد، عباد الله، après ceci serviteur de Dieu، غدا شهر رمضان، demain sera le début du mois de Ramadan. شهر الرحمة الإلهية، le mois de la clémence, de la miséricorde divine. أنت تصوم شهرا، tu vas jeûner un mois. والله يغفر ذنوبك. Et Dieu va absoudre, va pardonner tous tes péchés. ما الذي أمر الله بذلك؟ Qu'est-ce qui a ordonné à Dieu cela؟ أن يقابل صومك بمغفرته. D'accueillir ou de t'accorder sa clémence ou sa misère ou son pardon en contrepartie de ton jeûne. La ahad, personne. Fahou Allah, parce que c'est lui Allah. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Fahou yu'ti al-awamir, c'est lui qui donne les ordres. Wa la yatalaqa al-awamir, mais il ne reçoit jamais les ordres. Walakin rahmatan minhu, li'annahu ar-rahim ar-rahman, mais par effet de sa miséricorde, parce qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Wa ka'annahu yaqulu lak, et comme s'il te dit, ya 'abdi, ô mon serviteur, غلبك الشيطان, الشيطان t'a vaincu pendant cette année. فأنساك ذكري طول السنة, il t'a fait oublier mon évocation pendant toute l'année. فقمت بالذنوب يا عبدي, et tu as accompli les péchés, ô mon serviteur, يا عبدي, صم هذا الشهر, ô serviteur, jeûne pendant ce mois. فأغفر ذنوبك, et je vais te pardonner tous tes péchés. أما الشيطان, mais en ce qui concerne الشيطان, فأصفده لك طيلة الشهر المبارك, je vais l'enchaîner pour toi, Satan, je vais l'enchaîner pour toi pendant tout le mois béni, يا عبدي, ô serviteur. عندك أربعة أعداء, t'as quatre ennemis. الشيطان, Satan, النفس, ta propre personne, ton ego, النفس, l'âme, الهوى, la passion, والدنيا, et la vie ici-bas. في هذا الشهر كفيتك عدوك الكبير الشيطان. Pendant ce mois, je me charge moi-même de ton grand ennemi, الشيطان. فحاول يا عبدي أن تنتصر على الثلاثة الباقية. Essaie, mon serviteur, de vaincre les trois qui restent. نفسك, ta propre personne, hawak, tes passions, ça veut dire tes désirs, ou dunya, et la vie ici-bas. Wa rahmatullahi kadhalik fi Ramadan, et grâce à la miséricorde de Dieu pendant ce mois, lam ya'mur as-sabi wa ash-shaykh al-kabir bis-sawm, il n'a pas ordonné par effet de miséricorde aux jeunes ou bien aux vieillards d'observer le jeûne. Wa a'ta rukhsa subhanahu wa ta'ala lil-marid wal-musafir, et il a donné une autorisation aux voyageurs, aux malades, à la femme enceinte, lil-mar' al-hamil wa lil-mar' al-murdi', il y a la femme qui allait, de ne pas observer le jeûne, bil iftar wa bil qada'i min ba'd, et de récupérer les jours par la suite. Falhamdulillahi ala rahmatih, que Dieu soit entièrement loué pour sa miséricorde. Ayyuha al-ikhwa, zarana al-yawm jiranun lana min madinat Provins. Il y a des frères qui nous ont rendu visite aujourd'hui, des voisins à nous de la ville de Provins. فأكرموهم أكرمكم الله, donc donnez-leur de ce que Dieu vous a donné et que Dieu vous bénisse. وتعرفون حق الجار, et chacun de vous connaît le droit en islam du voisin. فهم يريدون جمع الأموال لمسجدهم, ils cherchent à collecter de l'argent pour leur mosquée. فساعدوهم يساعدكم الله, et aidez-les, Dieu vous aide. واجعلوا خير ما تعطونه أو ما تفعلونه في هذا اليوم الأخير من شعبان هو التبرع لصالح بيت من بيوت الله. Essayez de faire comme dernière action dans ce mois de شعبان une œuvre pour Dieu subhanahu wa ta'ala et pour sa maison, la mosquée. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا نصوم في هذا الشهر صياما يرضيك لا يرضي أنفسنا. اللهم اجعل بطوننا تصوم، واجعل كذلك أبصارنا وأسماعنا وجوارحنا وقلوبنا تصوم لك طيلة اليوم وطيلة الليلة. اللهم زهدنا في كل الأشياء إلا ذكرك، إلا كتابك، إلا بيتك، إلا الصلاة. اللهم كن لنا الرفيق، اللهم احرمنا من كل رفقة، وكن لنا الرفيق طيلة هذا الشهر. اللهم املأ قلوبنا في هذا الشهر بك، بمحبتك وبمحبة كتابك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام طيلة هذا الشهر والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.